Réveil matin, 6h, je me prends une tartine de beurre. J'ai un train à prendre qui va à Bordeaux-Saint-Jean. Réveil matin, 6h, je prends une tartine de beurre. Réfugié, non. Je prends le bus peinard, rien à signaler par là. Tout le monde fait la gueule, le monde est comme ça à cette heure. Le voyage dure après une petite demi-heure. C'était le moment le plus tranquille du voyage en fait. À 8h, le train arrive, dans le compartiment. Toujours aussi tranquille, du moins pour ce moment. Je m'installe pour fiancé près de la fenêtre côté quai. Lorsque soudain, oh merde, une famille se ramène. Ils poussent les gens partout sans demander pardon. Faut dire que les gens sont fous, c'est pas comme au Japon. J'ai un air qui pique et les yeux rouges. L'âge des mômes dépasse pas les 6 ans, purée. Sur ce coup-là, man, c'était casse-pomme. Ça causait Yu-Gi-Oh! Foot de rue et même Pokémon. C'est de la balle, c'est de la balle, c'est de la balle, mais quand même. Quand tu veux dormir, les Shadows te pompent de l'air. Putain de mourant dans le train qui gueule et fout de la merde. Bordel, qu'est-ce qu'ils font chier, putain. Je vais leur décalquer la tête. Putain de môme dans le train qui gueule et fout de la merde. Je vais continuer à pied, putain, me plaindre à la SNCF. Bon bah chérie, oui, je vais pisser. Ok. Je prends un moment aux chiottes, réfléchir à la situ. J'entends les mômes de là, ils gueulent comme des zébus. Je sais ce que je vais faire, je vais aller au wagon bar. Faut que je me pose quelque part, je veux rattraper ma nuit. Est-ce que vous avez, là, des boules de caisse, des bouches en bois? Est-ce que vous avez, là, n'importe quoi pour dormir là? Je sais pas, n'importe quoi, je sais vraiment pas les gars. Ben, c'est ça, du PQ tout vert. Dans l'oreille. Vers ma femme. Les proches de la crise de nerfs, c'est dire s'ils sont bruyants ces gosses. Eh oh, eh oh, ils grimpaient sur les fauteuils. Ils glandent quoi les parents? Ben ils jouent avec eux. Putain de moment dans le train qui gueule et fout de la merde. Bordel, qu'est-ce qu'ils font chier, putain. Je vais leur décalquer la tête. Putain de moment dans le train qui gueule et fout de la merde. Je vais continuer à pied, putain, me plaindre la SNCF. Est-ce que vous avez, là, des boules de caisse, un bon manga? Est-ce que vous avez, là, n'importe quoi pour dormir là? Enfin voilà une gare, mais quel sacré coup de chance. C'est là que la famille décide enfin de descendre. Ma femme et moi on soupire avec nos restes d'oreilles. On apprécie le silence du TGV en arrêt. Les gens reprennent le reste, je m'amène de grands sodas. Je dis à ma chérie, c'était marrant, tu trouves pas? Elle me fout une beigne, pourquoi j'ai pas bien compris? Mais quand j'y repensais, je m'en suis foutu une aussi. Oh putain! Eh oh, eh oh, en voilà des arrivants. Les supporters des foot qui chantaient parce qu'ils fouettaient l'apéro. Eh oh, eh oh, allez chérie, on bouge les fesses. Je veux pas rester là, il y aura des bandes dans ta paire. Putain de supporters dans le train qui boivent et foutent de la merde. Bordel, qu'est-ce qu'ils font chier, putain. Je vais leur dévisser la tête. Putain de gens dans le train qui aiment bien foutre la merde. Je vais continuer à pied, putain, me plaindre à la SNCF. Putain de gens dans le train. Des boules de caisse, des bouchons de bois. Bordel, qu'est-ce qu'ils font chier, putain. N'importe quoi pour dormir là. Putain de gens dans le train. Des boules de caisse, des bouchons de bois. Je vais continuer à pied, putain. N'importe quoi pour dormir là. Est-ce que vous avez là.